avoir un roulement de tambour, s'il vous plaît? Surprise! Il y a quelqu'un! De Funès! Salut! Pourquoi t'es venu ici? Tout va bien. Alors il faut que tu sois honnête avec moi. J'ai hâte de voir ta tronche quand on l'aura dégoté. Dis donc, t'as vachement bien géré. Et maintenant ou jamais. Ça ira mieux demain. L'émission! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Ne laisse rien faire obstacle à ce qu'il fait vibrer. Soyez à mes côtés. Bienvenue au palais. Mais y a rien que tu désires vraiment plus que tout au monde. Ça ira mieux demain. L'émission! Fadjet. L'émission! Que la fête commence, les amis! Vous êtes bien à l'écoute de Fadjet et voici un nouveau numéro de 5 minutes demain, entièrement piloté par Benoît! Aujourd'hui, nous allons revenir effectivement sur la nouveauté du moment, la série de l'année 2023, puis peut-être la série de l'année 2024. On n'en sait rien, de moins en moins, on en est de moins en moins sûr. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'en parlera plus d'ici un mois ou deux, puisque tout le monde l'aura vu ou pas. C'est vrai que c'est une introduction en matière... Alors, objectivement, ni Manon ni moi ne l'avons vu. On essaie depuis 15 jours de se motiver pour y aller. Et on a réussi, c'est quand même quelque chose de formidable, on a réussi à décider Laurent d'y aller avant nous. Alors que nous, on fait un peu un refus d'obstacle parce qu'on a peur de rien comprendre. Non mais vous vous rendez compte, depuis combien de temps vous mettez la série là en avant dans Ça ira mieux demain? Bah oui, ça fait un an et demi. Donc, On est fatigué le soir et on se dit c'est trop compliqué pour regarder ça. Voilà. Et voilà, du coup, Là maintenant, on est devant le pied du mur. On a trois jours là. Donc la semaine prochaine, c'est sûr, vous aurez notre avis. En attendant, on a été faire un micro-trottoir dans la rue et Manon nous a récupéré des avis et là, ça va pas être piqué des verres. Vous allez voir, il y en a pour tout le monde. Laurent l'a vu aussi, donc on l'a pas interviewé parce qu'on l'a pas trouvé sur le trottoir. On a pas trouvé Laurent cette semaine. On l'a pas trouvé sur le trottoir. Il y avait autre chose à faire. Donc déjà qu'il n'arrive pas à finir l'émission. Donc si en plus il traînait sur les trottoirs, il y avait aucune chance. Bref, tout ça pour dire qu'on va revenir sur le problème entre corps. En tout cas, moi, il y a une chose que je vais vous réexpliquer. Mais autant quand je vous en ai parlé il y a un an et demi, j'avais du mal de vous l'expliquer parce que je lisais ma feuille. Mais là, j'ai bien compris. On nous l'a bien expliqué. Je vais vous parler du problème à trois corps, ce que c'est, ce que ça veut dire. Et là, vous aurez tout compris. Et comme ça, on pourra, Manon et moi, se mettre devant l'écran de télé et jouer un peu les physiciens, les scientifiques et tout décrypter de la série. En attendant, je ne sais pas si elle a eu droit, hein, parce qu'on est déjà un peu en retard, mais bon, le choix de Manon quand même, parce que... Elle est toujours là. Elle est toujours là et qu'on peut difficilement s'en débarrasser. Voici... vous savez, c'est comme un chewing-gum, vous savez, ça colle. C'est lui qui a décidé de faire des gosses, hein, fallait pas, c'est tout. On a beau tirer, on a beau essayer de l'enlever de sa chaussure, et ben ça colle toujours, même quand on sait laver les mains. Les points, moi, ils vont partir. Hein. Je vais me venger. Voici. Quel beau chewing-gum. Oui, quel beau chewing-gum. Ah oui, merveilleux. Intelligent. Allez. C'est un sacré chewing-gum. Hein. Ouais, ton choix. Bon, on écoute Taikedadju, le contrat. Voilà. Et dans le contrat, il y a. Tra. Con. Non, mais c'est vrai, on ne parle pas de mots grossiers à l'antenne. Allez, on écoute les deux rois, là. Bon, on y va? Oui, on y va. Quand tu veux, Moussaillon. Je n'ai pas douté, oh, le contrat. Pour toi et moi c'est bouclé, oh, le contrat. Oui, le contrat. Ils ont fui trop tôt. Eux là ils ont fui un peu trop tôt. Depuis que les comptes se sont remplis, on est beaucoup moins sur les photos. Hey, tu es la seule qui est restée, oh. Seulement deux jours qu'on est liés, oh. Tu as les clés, faut verrouiller, oh. j'ai signé le contrat. Toi et moi c'est bouclé. La vie c'est le combat. Avec toi je n'ai pas douté. Oh, oh, oh le contrat. Toi et moi c'est bouclé. C'est maintenant qu'on doit parler. On a dansé le Makossa, si à Congo ça, ça n'a qu'à continuer. Yeah. Tu portes mon nom, ne laisse aucun de le salir. Plus rien ne sera comme avant. J'ai mis à ton doigt du saphir. Oh, j'ai signé le contrat. Toi et moi c'est bouclé. La vie c'est le combat. Avec toi je n'ai pas douté. Oh, le contrat. Toi et moi c'est bon, le contrat. Oui, le contrat. Yonanga, Yonanga, Yonanga, Yonanga. Oh Yonanga, Yonanga, Yonanga, Yonanga. Oh Yonanga, oh Yonanga, Yonanga, Yonanga. Oh Yonanga, oh Yonanga, Yonanga, Yonanga. Ok, cast of love. Dadju et Taiki pour les intimes. Je vous encourage vraiment à aller écouter l'album. Franchement, il est super. On reconnaît les deux. C'est incroyable. J'adore. Ouais, finalement, au début, je n'aimais pas trop. Puis, à force de l'entendre, c'est vrai que ah oui, ça rentre dans la tête. Deuxième single après I Love You. Tout de suite, sans plus attendre, on passe à la bande-annonce du problème à trois corps, histoire de bien se faire un alignement de planètes. Et puis, on en parle après. Une trentaine de scientifiques est mort ces deux derniers mois. Quelle horreur. Encore un compte à rebours. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a vu ? Que leur est-il arrivé ? Quelqu'un. Quelque chose s'en prend aux scientifiques. Ils cherchent les esprits les plus brillants. Il y a quelqu'un derrière chaque chose. Si on creuse, on trouve. Quoi que ce soit, ça nous observe et ça nous écoute. Will, on sait même pas ce qu'ils sont. Et peut-être qu'on peut pas le savoir. Est-ce que tu crois en Dieu ? Effrayant. Vous avez le droit d'avoir peur. Mais c'est notre seule chance. Et j'ai besoin de vous. Préparez-vous à vivre un truc qui sort de l'ordinaire. Ils arrivent et vous ne pouvez rien pour les en empêcher. Voilà pour ce qui est de la bande-annonce. Et donc voilà, revenons sur cette problématique du problème à trois corps, qui est un problème de physique et de mécanique classique, le problème à n corps dans la physique. C'est une question à laquelle on peut répondre facilement, puisqu'on pense à le mouvement de trois masses ponctuelles. Et l'exemple facile... Il m'a déjà perdu, mais non, mais non, mais l'exemple... On va pas faire de la physique, là, quand même. L'exemple facile, là, j'ai compris maintenant. L'exemple facile d'un problème à trois corps, c'est la Terre, la Lune et le Soleil. Ils tournent, l'un tourne autour de l'autre, etc. Ça, on a compris, c'est pour ça qu'on vit. Et qu'est-ce qui se passe dans la série de Netflix ? Il a pris une posture de prof, j'adore. Non mais, vous me suivez jusque-là ? Ah, on te suit. La Terre tourne autour du Soleil, et la Lune tourne autour de la Terre. Et donc voilà, on a bien un problème à trois corps. Voilà, et nous on est dedans. Voilà, enfin, on est dans, donc, voilà un problème. Un problème à trois corps. Et là, qu'est-ce qui se passe dans la série de Netflix ? Eh bien, c'est enfin un des acteurs principaux qui nous a expliqué d'une manière simple ce qui se passe. Notre Soleil est donc un seul décor. On tourne autour du Soleil. Mais lorsqu'il y a trois corps identiques, trois Soleils, les forces gravitationnelles de ces trois Soleils ont un effet sur la planète. Vous imaginez, trois Soleils, on grille. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. C'est une anomalie physique. Une anomalie de physique. Et c'est ce qui arrive dans notre série Netflix. Donc, quand vous avez une civilisation qui va donc être détruite par ces trois soleils et par cette anomalie, ils vont avoir besoin de trouver un endroit pour se réfugier. Et où vont-ils aller ? Sur Terre. Bravo, Laurent a tout compris. Manque de bol. Ces gens donc, qui ont un problème à trois corps vont découvrir un endroit où il n'y a pas trois corps, mais... Vous m'avez suivi, là ? Où il n'y a pas trois corps, mais... Deux. Ah non. Un. Un corps, puisqu'on n'a qu'un soleil, ici. Waouh. Excuse-moi, je me mettais du côté du soleil. Ah oui, d'accord. Donc, non, voilà. C'est moi qui brille comme le donc, soleil. Donc là, moi, j'ai un peu compris, non ? C'est un peu simple, parce que c'est plus facile. Ouais, mais pour l'instant, quand tu regardes le premier épisode de la série... On n'en est peut-être pas là. On n'est pas dans cette situation où tu comprends pourquoi que les extraterrestres vont venir sur notre tronche. Ok, on a un corps, Il nous spoil. On a une étoile et on tourne autour, ok, mais il y a des événements qui pointent le bout de leur nez. Et c'est intriguant. Voilà. Et il ne faut surtout pas avoir peur du premier épisode. À mon avis, derrière, il y a certainement les réalisateurs, les caméramans d'Eric. Ça avance lentement et tu as l'attente de voir dérouler l'histoire. Alors effectivement, c'est ce que tu nous disais aux antennes. C'est très très lent. Le démarrage est assez lent, donc facilement compréhensible. Voilà. C'est ce que tu nous dis. Alors heureusement... Pour toi qui es fan de science-fiction. Heureusement qu'on a des événements assez surnaturels et intrigants. Surtout le final du premier épisode avec un cliffhanger assez étonnant pour nous tenir en haleine. À un moment donné, moi qui suis fan de science-fiction, j'ai failli lâcher l'affaire. Mais un événement survient et je me dis « Ok, là vous me retenez ». D'accord, donc tu poursuivras le deuxième épisode. Et là où je dis que le bas blesse un petit peu, c'est que pour son premier week-end, le problème à trois corps n'a fait que 11 millions d'adeptes et que 81,57 millions d'heures visionnées. Alors, comme ça paraît... C'est énorme. Ça paraît énorme, mais par rapport au marketing... Au coût de la série et aux attentes de Netflix, eh bien, c'est assez faible. Donc, attention à cette série. Alors, certains articles évoquent le naufrage qu'avait une autre série de Netflix qui s'appelait 1899, j'avais ce bateau qui sombrait, il y avait toute une série, on annonçait ça aussi comme une grosse série de l'année, je crois que c'était l'année dernière, et en fait ça n'a rien donné parce que effectivement elle a très vite sombré, et du coup comme le bateau dont elle parlait. Alors, on contrebalance avec le fait que, eh bien... cette série n'était pas autant d'emprise et n'avait pas les showrunners de Game of Thrones. Rappelons que c'est quand même les showrunners de Game of Thrones qui sont derrière cette série. Alors, donc, c'est basé aussi sur un roman de science-fiction chinois. Voilà, on en a longuement parlé, effectivement. Et les romans de Liang Xingqin. Donc, forcément, il y a plein de livres. Hein, donc, il pourrait y avoir plusieurs saisons. Et donc, on n'imaginerait pas comment Netflix pourrait abandonner si vite le bateau en cours de route. Enfin, ces extraterrestres en cours de route. Donc, à suivre, ce n'est que le premier week-end d'exploitation. Et alors, un peu à l'image de ce qu'on a pu ressentir et lire un peu à droite à gauche, voici quelques réactions récupérées ici ou là, au hasard des trottoirs, les réactions de gens qui ont vu les premiers épisodes du problème à trois corps. Je comprends rien. J'ai trouvé la série très intrigante. Clairement, faut pas rester sur son téléphone parce que sinon tu vas rien comprendre. On reconnaît bien la patte des créateurs de Game of Thrones. J'ai adoré parce que déjà, moi je suis très science-fiction, on est totalement dedans. Je pense que ça peut plaire à un certain public. C'est très original. Par contre, il y a 2-3 scènes qui m'ont un peu perturbée. Parce qu'en fait, on dirait qu'il y a 3 histoires dans une seule série. Et ça se mélange et tout au fur et à mesure. Ça mêle à la fois suspense, d'historique, d'humour. Franchement, ça m'a rappelé certains grandes séries de Netflix qui sont assez complexes, je dirais genre BOA, Dark, Sense8. C'est vraiment ce genre de réflexion qu'une série peut apporter qui est très très très compliqué. Je pense que c'est une série qu'il va falloir décortiquer. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus prenant, mais je t'attache beaucoup au personnage. J'ai trouvé que les acteurs, ils étaient géniaux. J'ai eu du mal à m'installer, à me mettre dans le mood, dans la série, dans l'histoire. Moi, pour ma part, c'est pas une série que je pense que je vais vraiment aimer par la suite. L'intrigue, entre guillemets, assez riche, assez complexe quand même. Ça se voit que Netflix quand même a voulu faire un truc quand même plutôt quali. J'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup, j'attends l'épisode 3 pour vraiment comprendre et confirmer mon avis. Sur 5, je mettrais un 3. 4 sur 5. Un 3. 4. 3,5. 2,5, 3. Je mets 4. Pour l'instant, 3,5. Mais j'attends. Voilà, c'est quand même... Il n'y a pas de 5, hein. Non, non, puis alors humour, j'aimerais bien qu'on me précise quelle scène. Hein, parce bon, que... bah, là, peut-être, non, ils ont peut-être avancé, là, on a ah, l'impression... Ah oui, oui, ok, ouais, parce que moi, j'ai vu que le premier. Voilà, eux, les gens, ils, à mon avis, ils sont pas au bout, mais là, on va dire qu'ils ont vu déjà 2-3 épisodes, 3-4 épisodes. Okay. Pour remettre un peu le contexte, c'était à l'avant-première de trucs, il y avait des influenceurs qui avaient été invités. Et là, je crois qu'ils ont vu les 2 premiers épisodes, au moment-là. D'accord, donc il y a peut-être un peu plus d'humour dans le deuxième. Voilà, donc je verrai ça ce soir ou demain. Mais j'ai rejoint aussi un commentaire, c'est... J'ai toujours le même plaisir de repartir sur Cosmos 1999, même si ça a pris un coup de vieux. Mais j'aimais beaucoup cette série. Voilà, ils sont en pyjama, enfin moi ça fait cet effet-là quoi. J'ai toujours le même plaisir de retrouver Star Trek The Next Generation, Star Trek Voyager, Stargate SG-1, Stargate Atlantis. Pas sûr que cette série-là, pour le moment, alors je n'ai vu qu'un, alors vous allez me dire c'est un peu court... Pas sûr que j'ai envie de retourner dans cet univers-là parce que c'est spécial quand même. Alors, à voir le développement des autres épisodes, mais en tout cas, j'ai envie de voir la suite. Allez, on y reviendra régulièrement dans Ça ira mieux demain et on vous donnera, c'est promis, notre avis vendredi prochain. Restez fidèles. Allez, le nouveau single de Calogero. Parce que Laurent aime bien, parce que on aime bien, parce que Calogero était, il n'y a pas si longtemps que ça, en concert à Nancy, et qu'il a été éblouissant, comme d'habitude. Son nouveau single, Rien comme les autres, et pour lui, c'est une de ses plus belles chansons d'amour. Apaiser. qu'on ne fera rien comme les autres, rien comme les autres, que tous les deux on vivra rien comme les autres, même si on ne nous comprend pas, c'est ce qui fait que je t'aime toi. S'absenter, que cette absence nous enchaîne pour aimer. Il fallait que l'on devienne un regret pour chercher à dépasser le passé. Il est écrit qu'on ne fera rien comme les autres. Allez, pour terminer, avant de nous quitter avec le nouveau titre de Benson Boone, Slow It Down, un petit coup de cœur. Ça fait 15 jours que j'ai dans ma besace et je n'arrivais pas à le placer. Je ne vais pas vous quitter en cette veille de week-end pascal sans vous parler de Samuel. Samuel est un adolescent de 10 ans d'aujourd'hui. Il est tombé amoureux de la grande Julie qui s'est assise à côté de lui dans le bus. Mais bien sûr, à cet âge-là, rien n'est simple, surtout que les autres copains regardent et qu'il y a des concurrents dans la classe. C'est un petit bijou de dessin animé signé Émilie Tronche avec cette série en 21 épisodes de 5 minutes qui vient de sortir sur la plateforme d'Arte, d'Arte TV. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas amené sur Arte. La jeune réalisatrice, tout juste sortie d'une école de graphisme à Angoulême, avait créé ce petit personnage quasi par hasard, une semaine avant le confinement. Émilie Tronche raconte qu'elle voulait juste raconter une histoire d'amour, comme je voulais faire quelque chose de très rapide. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que parler des enfants, ce serait vraiment plus vite, on irait plus vite à l'essentiel. C'est un dessin animé en noir et blanc avec juste un petit crayon noir et des petits dessins qui s'enchevêtrent. C'est magnifique. Voici la bande-annonce de ce joli dessin animé. Je vous rappelle donc que vous pouvez le voir sur Arte TV, sur le net bien sûr, sur le site d'Arte. Des épisodes de 5 minutes et il y en a 21. Voici Samuel, la bande-annonce. Je m'appelle Samuel, j'ai 10 ans et j'ai un problème. Mais bon, j'ai pas trop envie d'en parler. I don't want to talk. J'ai fait une liste de trucs pour m'améliorer. 1. Avoir plus de muscles. 2. Avoir un collier avec une dent de requin. 3. Avoir des cernes. 4. Apprendre un peu l'anglais pour devenir américain. 5. Commencer à écrire des trucs intelligents dans mon journal pour quand les gens le liront quand je serai mort. Et puis il y a Julie. Julie, c'est pas que je l'aime. C'est juste qu'elle a rigolé à une de mes blagues il y a pas longtemps. Bon, en fait, je l'aime et personne ne doit savoir. En fait, j'aime pas grandir parce que depuis que je suis née, je me trouve géniale. Et maintenant, je suis pas sûre si c'est vrai. Heureusement que personne lit ce que j'écris. Maman, si t'es en train de lire, ça se fait pas, t'arrêtes. Voilà, je vous invite à aller sur Arte TV voir la vie de Samuel. Et en plus, c'est écrit par Émilie Tronche, c'est des dessins d'Émilie Tronche et c'est la voix d'Émilie Tronche qui fait la voix de Samuel. Sincèrement, c'est joli comme tout et c'est à découvrir la vie de ce petit garçon de 10 ans, Samuel, sur Arte TV. Benson Boone, c'est le nouveau, il est numéro 1 du Hot 40, il est numéro 1 en France, mon Dieu, il a pris la place de Pierre Garnier, qui est deuxième, et voici donc son titre, Benson Boone, bon week-end de Pâques. Ce soir, c'est la Star Academy en tournée à Strasbourg, demain, elle sera au Galaxy d'Amnéville à Metz, et dimanche, elle sera à Nancy, au Zénith. Bon week-end de la Starac, bon week-end de Pâques, et puis nous, on se dit avec Laurent et Manon à vendredi, et moi dans une petite demi-heure pour le Hot 40. Bon week-end, joyeuse Pâques, à la semaine prochaine. Bon week-end, joyeuse Pâques, à la semaine prochaine. Et vive les cloches. Et vive Manon. Et vive moi. La reine des cloches. Je suis une cloche, fêlée, mais une cloche quand même. Allez. Voici Benson. I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in. With those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touch me and I come back. And we're talking on the staircase about your big dreams on the big screens. Out of Georgia now, you're lonely in this city. Lying with me and you're scared it's moving quickly. Oh, now you're crying, you're in pieces. Cause the only love you've ever known. It's Jesus, I can feel it. Oh, I hate that I'm the reason that you're in your head right now.